Pour du plaisir garanti, c'est au club de golf de Chibougamau qu'il faut aller. Que ce soit pour une partie à la journée ou pour devenir membre, le club de golf de Chibougamau est l'un des plus beaux clubs dans la région, avec la qualité des verres qui fait l'envie de plusieurs clubs. De plus, nous offrons la salle pour vos différentes réceptions. Appelez sans tarder au 418-748-4709. Le club de golf de Chibougamau est très heureux de participer à la chronique du directeur général Michel Lallemand et souhaite une bonne année aux différents golfeurs du circuit. C'est la chronique du club de golf de Chibougamau avec notre ami Michel Lallemand. Salut Michel! Bon matin, Danny! Michel, on va parler d'abord de la semaine passée. Il y a eu un petit tournoi la semaine passée? Oui, c'était des tournois micro qu'on avait vu que c'était plutôt congé. Donc, on a quand même eu des bonnes participations. On était une trentaine de joueurs chacune des journées. Ça a été bien apprécié. Ouais. Puis, cette semaine, bon, je dirige avec la troisième qualification de la Coupe des champions. Ouais. Encore une fois, là, on devrait avoir une trentaine de joueurs demain matin pour prendre le départ. OK. Donc, c'est une trentaine de joueurs qui ne sont pas différents d'hier. Hein? Je veux dire, de la dernière fois, là, c'est les mêmes joueurs, dans le fond. Là. Oui, c'est à peu près toujours les mêmes qui participent. Sauf que, en formule Coupe des champions, c'est vraiment individuel. Okay. Donc, c'est une compétition 18 trous individuels. Okay. Tandis que la semaine passée, on avait des formules amicales en équipe où c'est mix. Puis où tout le monde, à peu près, vient pour s'amuser. OK. Donc, troisième Coupe des champions en fin de semaine, y a-t-il d'autres choses qui se préparent? Est-ce que Pierre-Alexandre, as-tu des nouvelles un petit peu de lui? Pierre-Alexandre, il est à l'entraînement. Il est après. Il a eu de la misère en fin d'année passée. Ouais. Il a travaillé beaucoup en Floride avant de revenir pour modifier un petit peu son élan, surtout par rapport à ses coups de départ. OK. Puis, fin de semaine passée, il était... Championnat, il est allé défendre son titre à Toronto. Ouais. Ça a été moyen. Fait que là, il se prépare pour les prochaines compétitions à venir. OK. Autre chose à mentionner, peut-être, Michel? Non, ben, surtout que la fin de semaine prochaine, c'est notre grosse fin de semaine. Okay. Où on reçoit les golfeurs de l'extérieur. Okay. Samedi, on aura une compétition en équipe de deux. Et dimanche, c'est le filet régional. Okay. On attend environ 30 à 35 joueurs de l'extérieur et autant de Chibougamau pour cette belle fin de semaine. OK. Michel, on se reparle jeudi ou vendredi prochain. Parfait, mon ami. C'est merci. La chronique du club de golf avec Michel.